Chapitre 6e. Une situation fausse. Depuis qu'ils habitaient le Plessis, leurs relations étaient extrêmement restreintes, et en acceptant leurs anciens amis intimes qui venaient quelquefois de Paris passer la journée du dimanche avec eux, ils n'avaient voulu voir personne. Pleinement heureux l'un par l'autre, ayant une vie occupée, lui par ses travaux, elle par ses enfants, ils trouvaient que le monde, avec tout le cortège d'exigences qu'il traîne à sa suite, ne pouvait que leur voler leurs heures d'intimité. Et ils ne se sentaient aucune disposition à sacrifier ces heures à des plaisirs qui, pour eux, n'en eussent point été, puisqu'ils ne s'étaient jamais aperçus qu'il leur manquait. Cependant, malgré cette réserve, ils n'avaient pu se défendre d'une sorte de liaison avec un de leurs voisins qui avait été autrefois le camarade de Martel. C'était alors un brave garçon venu de Bordeaux à Paris pour être poète, comme on vient de l'Auvergne pour être charbonnier, et du Limousin maçon, qui s'était jeté à corps perdu dans la bohème parisienne et qui avait trouvé original et amusant, tout en ayant 5 ou 6 000 francs de rente, de vivre d'une vie de hasard et d'expédient. Comme il n'avait d'autre supériorité que celle que lui donnait sa petite fortune, comme il ne paraissait menaçant pour personne, comme sa bourse s'ouvrait facilement, il était devenu le camarade de tout le monde et l'ami de 3 ou 4 vieux chevaux de retour qui se l'étaient appropriés. 2 années avaient suffi pour absorber son capital, et il allait pour de bon savoir ce qu'était cette vie dont il ne connaissait que les plaisirs, lorsqu'un de ses oncles, très riche propriétaire du Médoc, était mort en le faisant hériter d'une 100 hectares de vignes à Ludon, qui donnait bon an mal an un revenu de 150 à 200 000 francs. Le plaisir d'être propriétaire l'avait emporté sur l'ambition d'être poète, et il était retourné à Bordeaux vendre son vin aux Hollandais et faire figure au cercle de la rue du Ha. Mais comme il s'était tous les ans rappelé au souvenir de ses anciens amis par un panier de son vin, on ne l'avait point oublié. Son nom même était resté, et entre 1 et 2 heures du matin, on parlait encore de lui sur le boulevard et dans le faubourg Montmartre. Personne n'avait jamais eu le billet de banque aussi facile que Lataste. Ce n'est pas Lataste qui eût laissé un de ses amis aux prises avec un tailleur. Un peu bête, ce pauvre Lataste, mais bon enfant. Lataste, toujours Lataste. On l'avait ainsi suivi. On avait su qu'il s'était marié et que sa femme avait fait pour lui plus que son volume de verre, qu'elle l'avait rendu célèbre à Bordeaux et dans toute la Gascogne. Mais comme Martel ne vivait plus dans ce monde, il y avait longtemps qu'il ne pensait plus à Lataste, lorsque ce nom qu'il avait si souvent entendu lui était revenu aux oreilles. On disait que la terre de Mureau, qui est à 2 lieues du Plessis, venait d'être achetée par un riche bordelais, un monsieur Lataste, qui transformait les bois en un parc magnifique et remettait le château en état. Puis, bientôt après, il avait vu arriver au Plessis ce riche bordelais, qui était bien son Lataste empressé de renouer connaissance. Il avait fallu se rendre, et l'on s'était vu, non toutes les semaines, comme Lataste l'eût voulu, mais 2 ou 3 fois par an. Le lendemain de son arrivée, Martel était dans son atelier et demandait au travail de lui faire oublier son voyage et son retour lorsque sa porte s'ouvrit devant Lataste. On m'avait assuré que tu étais en voyage, dit celui-ci en s'asseyant, mais j'ai voulu venir à tout risque. D'ailleurs, si tu n'avais pas été là, j'aurais trouvé Madame Martel, à qui j'aurais adressé ma demande. Et c'est même à son intention que j'ai fait cette toilette, qui n'est pas celle d'un voisin de campagne. Il se leva et se posa devant la glace pour arranger le nœud de sa cravate et serrer son gilet à la taille. C'était le type du bordelais, cheveux noirs, carnation sanguine, dents blanches, œil vif, poitrine bombée, avec cela vigoureux, large d'épaules, bien découplé. Il avait tout ce que fait le bel homme, même l'air vain et vide. Mais comme dans son regard et son sourire, dans toute sa personne, s'épanouissait la sympathie et la bienveillance, on se sentait à première vue indulgent pour sa prétention naïve. « Quelle demande ?» interrompit Martel. « Tu sais, mon cher, que j'ai publié, il y a quelques mois, un nouveau livre, La destinée humaine. Je te l'ai envoyé, et tu l'aurais même lu, j'en suis certain, si les peintres lisaient quelque chose. Ce livre, quoiqu'il ne soit pas écrit pour la foule, produit la plus grande sensation. Nous voulons fêter son succès, et de mercredi en 8, nous réunirons dans une petite fête une partie de mes critiques et tous nos amis. Naturellement, vous devez, madame et toi, en être, et je pense que malgré votre sauvagerie, vous ne me refuserez pas. » Martel n'était guère disposé à accepter, et il le laissa paraître. « Ah, pas d'excuse !» interrompit Lataste. « Ou dis tout de suite que tu ne veux pas venir chez moi. » Il fallut se rendre. « Maintenant que j'ai ton acceptation, voyons celle de madame. que tout soit bien entendu et conclu. » Et il tira le cordon de la sonnette, exactement comme s'il eût été chez lui. C'était sa manière de se mettre partout à son aise. « Dit-il à la fille de service, qui ouvrit la porte, si elle peut me recevoir. Vous me connaissez, n'est-ce pas, monsieur Lataste ?» Ce fut Armande elle-même qui apporta la réponse. « Je vous en suis bien reconnaissante, » dit-elle en tenant ses yeux baissés, « mais à mon grand regret. « Vous me refuseriez? Voilà qui est drôle !» s'écria Lataste en riant. C'était un des côtés de son caractère de trouver plaisanterie à tout. On a dit d'une princesse de Rohan, qui, pour montrer un esprit qu'elle n'avait pas, faisait semblant de trouver des finesses à tout, que lorsqu'elle était à la messe, elle riait à l'introïte et souriait au credo. Lataste était un peu le frère de cette princesse. Il trouvait tout ce qu'on lui disait fort drôle, surtout lorsqu'il ne le comprenait pas. Elle ne répondit pas. Il insista. Avec un embarras visible, une contrainte évidente, mais aussi avec des assurances d'amitié qu'on sentait sincères, elle persista dans ses réponses brièvement et en même temps doucement, et toujours sans regarder Martel, qui tenait les yeux fixés sur elle. « Mais enfin !» s'écria Lataste, ne riant plus, et se montrant même inquiet. « Vous avez une raison, vous me désespérez. Voyons, mon cher, viens à mon aide. » Armande, qui avait tenu ses yeux obstinément baissés, les releva sur Martel. Et celui-ci, qui évidemment allait se joindre à Lataste, s'arrêta devant ce regard qui en disait plus, suppliant et décidé, douloureux et attendri, qu'une longue explication. « Toi aussi, tu m'abandonnes ?» dit Lataste, qui commençait à être mal à l'aise. « Eh bien, moi, je ne m'abandonne pas. Demain, je reviendrai avec Madame Lataste, et nous vous ferons votre invitation dans toutes les règles. Je ne peux pas croire que vous ne refuserez. » Armande essaya de dire quelques mots. Il ne voulut pas les entendre. « Non, » dit-il, « non, à demain. »« Pardonne-moi, » dit-elle vivement, lorsque Lataste fut sorti. « Tu m'as désolé plus que je ne saurais le dire. Mais cette résolution que tu viens de manifester si fermement, as-tu réfléchi au moins au résultat qu'elle peut avoir ?» Elle fit un signe à la fois timide et résolu. « Je n'ai point souhaité une liaison avec Lataste. Aujourd'hui, elle existe. Il faut donc la rompre. Sous quel prétexte ? Que dire pour justifier notre refus d'accepter son invitation ? Les enfants, ma santé. Est-ce vraisemblable et sérieux ? Il est parti inquiet. Nous fâcher avec lui n'est rien. Le fâcher, cela me peine. Malgré ses ridicules, c'est un excellent cœur. Et précisément à cause de ses ridicules, on doit être indulgent pour lui. Madame Lataste va s'en prendre à lui d'une rupture inexplicable et l'accablera. Je me suis déjà dit tout cela. C'est une nécessité de notre situation. Ah ! « Pourquoi ai-je avoué la vérité ? » s'écria-t-il. « Pouvais-tu donc me présenter comme ta femme ?» Il voulut l'interrompre. Elle ne lui en laissa pas le temps. « Ici, oui, je suis ta femme. Je la suis pour toi, pour moi-même, devant ma conscience, mais devant le monde. Je ne me sens plus que ta maîtresse. Armande !»« Ah » continua-t-elle avec une exaltation douloureuse. « Ce n'est pas le mot qui me fait peur, et toutes les hontes, je les souffrirais plutôt que la séparation. Mais je ne veux pas tromper ceux qui me connaissent, et puisque les circonstances me placent en dehors du monde, je ne veux pas m'y maintenir de mauvaise foi. » C'est donc une rupture absolue. Après Lataste, nos autres amis. Seul avec toi, je ne rougirai peut-être pas. Il resta assez longtemps sans répondre, et elle comprit qu'il hésitait à continuer cet entretien. Bientôt il reprit. « Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. » Nous en avons trop dit pour ne pas nous expliquer. En revenant de Londres, j'ai balancé longtemps si je t'apprendrais ou ne t'apprendrais pas la vérité. Je voulais la terre pour ton repos, pour ta conscience surtout, dont je pressentais l'inquiétude et le trouble. Je ne me suis décidé à parler qu'en pensant à ta fermeté que je croyais plus forte. Ainsi, depuis que notre vie est la même, tu as été pour moi le cœur le plus tendre, pour tes enfants la mère la plus dévouée, pour tous un modèle, et voilà que parce que la fatalité s'abat sur nous, tu veux épargner ton contact au monde. Car c'est bien là qui dicte ta résolution. Aux yeux de tous ceux qui te connaissent, tu es l'honneur et le devoir, et sans avoir une faute à te reprocher, tu veux t'éloigner comme si ta présence était déshonorante. Et pour qui ces scrupules encore ? Pour Madame Lataste, pour son cousin Hillerin aussi, sans doute. La position de Madame Lataste n'est pas la mienne, elle est mariée. Est-ce la position légale qui fait honneur, ou bien est-ce la vie ? Et puis enfin, qu'est-elle, cette position dont tu rougis ? Ton passé est-il honteux ? Est-il un regard devant lequel le tien doit s'abaisser ? La femme qui te serre la main peut-elle craindre de te rencontrer demain ? Tu es ma maîtresse. Ah, si les coups ne devaient pas retomber sur ton cœur, comme je voudrais l'imposer au monde à cette maîtresse. Mais puisque le monde est pour toi maintenant un si terrible épouvantail, as-tu réfléchi à ce qu'il penserait de nous, de toi, si nous rompons brusquement avec tous nos amis? On voudra savoir les motifs de cette rupture, on cherchera, on causera, on inventera. Qu'importe. Pour nous, rien en ce moment, mais plus tard, pour ta fille. Et encore, crois-tu donc que tu ne souffrirais pas davantage si par ton imprudence tu forçais la curiosité à apprendre la vérité? Et si elle se découvre toute seule, comment? Il peut revenir. Il peut aussi ne revenir jamais. En vue d'un danger qui sans doute ne se réalisera pas, devons-nous agir comme s'il était déjà sur notre tête? Voilà ce que ta raison, d'ordinaire si solide, eût dû te montrer avant de prendre ta résolution. Comme elle ne répondit rien, il espéra l'avoir touchée, et il reprit. « Mais ce n'est pas à ta raison que je m'adresse. C'est à la confiance que tu as toujours eue en moi. Nous sommes dans une situation terrible, et que tes idées, tes croyances, rendent plus terrible encore pour toi que pour moi, plus douloureuse surtout. Eh bien, précisément pour cela, laisse-moi la direction. Au moins, ajourne la résolution que tu veux prendre. Car si ce que je t'ai dit ne t'a pas convaincu, cela t'aura peut-être fait comprendre qu'il n'y a pas urgence à l'accomplir. Pense à ce qu'elle a de grave, de décisif. Et si, dans quelques jours, tu n'es point persuadé, si tu ne te rends pas à mes raisons, eh bien, ce sera moi qui me rendrai à tes craintes instinctives. Quelques jours, n'est-ce pas ? » Elle lui tendit la main. Son regard disait son anxiété. Sa tendresse était vaincue par ses paroles. Sa conscience n'était pas entamée. Resté seul, il reprit machinalement sa palette et s'assit devant ce chevalet, mais il ne travaillait pas, sa main tremblait. Jamais il n'avait senti pareil trouble. Par la résolution d'Armande et aussi par son attitude morne, son désespoir mal caché, la tendresse de sa parole, la tristesse de son regard, il sentait combien elle était profondément atteinte et il restait épouvanté. Amis, relations, il en faisait sans peine le sacrifice. La solitude avec elle, ce n'était pas la solitude. Mais pour lui seulement, et non pour Armande, car, dans l'isolement, sans cesse sous le coup de la même préoccupation, absorbé par la même pensée, le cœur toujours gonflé, son désespoir irait s'exagérant. Il connaissait la délicatesse de cette conscience prompte à s'inquiéter, à quelle souffrance, à quel fantôme n'allait-elle pas rester livrée. Victorine, qui rappelait si vivement son père par certains côtés de caractère, Julien menacé, pouvant lui être enlevé et dont elle ne serait plus la mère. Combien de fois par jour, en les regardant, en pensant à eux, un mot, un rien, lui tomberait sur le cœur et raviverait ses alarmes. Lui-même, par son amour, au lieu d'alléger son fardeau, la replongerait plus avant sous son éternelle préoccupation. Et cependant, il n'y avait rien à faire. Il fallait attendre, attendre sans savoir, sans prévoir, fatalement résigné. Enfermés dans une situation fausse, ils étaient comme le prisonnier dans son cachot à qui toute tentative pour en sortir ne donne que le sentiment désespérant de son impuissance. Enfin, il prit résolument ses brosses, car chercher c'était se briser la tête contre un mur sans issue. En travaillant, il l'oublierait peut-être. Il était dit qu'il ne travaillerait pas ce jour-là. Madame Pigage fit demander s'il pouvait la recevoir. D'ordinaire, lorsqu'elle avait à lui parler, elle venait après le déjeuner, qui était une heure de récréation que Martel se donnait et qu'il passait avec Armande et les enfants. Il fut donc tout surpris de cette façon de se faire annoncer, il le fut encore bien plus quand il la vit entrer grave et embarrassée. « Mon cher cousin, dit-elle, je viens à vous dans des circonstances qui me sont bien pénibles, et il a fallu une pressante nécessité pour me décider. » Il lui fit signe de continuer, quoiqu'il sentit vaguement qu'elle n'avait pas besoin d'être encouragée et que toute seule et d'elle-même, elle irait bien jusqu'au bout. « Pour tout au monde, reprit-elle, j'aurais voulu éviter qu'il y eût entre nous des affaires, car vous avez toujours été si parfait pour Pigache et pour moi qu'il me répugne de vous parler d'argent. » « Je supporte très bien ces conversations-là sans me fâcher ou me sauver. Je sais que vous êtes la générosité et la droiture en personne, et cela m'encourage. » Il se demanda combien lui coûteraient ces éloges, mais comme il était large dans toutes les choses d'argent, il s'amusa à laisser aller Madame Pigache. Il était rassuré puisqu'il ne s'agissait que d'un emprunt. Elle continua. « Vous savez qu'entre votre père et le père de Pigache, il y a eu autrefois des affaires d'intérêt ? Assez mauvaises même. Si mauvaises que tous deux se sont ruinés et que votre père a été forcé de redevenir simple ouvrier. Je n'ai pas oublié cette triste histoire. Mon pauvre père avait consenti à former une association avec son beau-frère pour fabriquer des machines agricoles. Mon père dirigeait la fabrique. Mon oncle Pigache s'occupait de placer les produits dans les campagnes. Le temps de la mécanique n'était pas venu. Mon père eut le sort de tous ceux qui ont une bonne idée trop tôt. Je me rappelle sa ruine, Je l'ai vu travailler comme ouvrier dans l'atelier qu'il avait fondé. Il est mort à la peine, mais ayant payé toutes les dettes de la société. Une exceptée cependant, car votre oncle avait apporté 10 000 francs. Ces 10 000 francs étaient sa part. On vous l'a dit, sans doute. La vérité, c'est que cet argent était un prêt qui n'a jamais été remboursé. J'avais 17 ans quand je perdis mon père. Il ne me traitait plus en enfant. Il ne m'a rien dit de cette dette. Ses papiers ne la constatent point. Mon oncle ne me l'a jamais réclamée, et Pigache ne m'en a jamais parlé. Elle prit un temps pour répondre, puis comme si elle était entraînée. Et c'est malgré lui que je vous en parle aujourd'hui. C'est aussi malgré moi. Je ne le fais que pousser par la nécessité. Mon beau-père, qui était le témoin de votre jeunesse laborieuse et pauvre, n'a pas voulu vous réclamer un argent que vous ne pouviez pas lui rendre. Et plus tard, Pigache n'a pas osé vous en parler, car enfin, la dette de votre père n'était la vôtre que si vous le vouliez bien. Martel fit un geste, elle ne se laissa pas interrompre. Soyez certain qu'il n'a jamais accusé votre délicatesse, et il a toujours considéré que vous seriez en droit d'accuser la sienne s'il vous réclamait cet argent. D'abord, parce que légalement, vous ne le devez pas. Puis, nous n'avons pas de titre, seulement des lettres de votre père. Où sont ces lettres ? Elle tira de sa poche une liasse de vieilles lettres jaunies et usées dans les plis. Tout ton rapport à l'association, celle du 11 janvier seulement reconnaît le prêt. Pour un homme de loi, cette reconnaissance serait peut-être bien vague. Pour vous, je crois qu'elle sera formelle. Voulez-vous me confier ces lettres ? Je les examinerai. Celle du 11 janvier surtout. C'est celle qui est recollée sur du papier blanc. Je les lirai toutes, car c'est la première fois que j'entends parler de cette dette. Et nous qui cherchions des raisons pour expliquer votre silence, nous en trouvions, Pigache surtout. Et il en a tant trouvé qu'il a fini par croire que vous ne deviez rien. Moi, je pensais que nous vous verrions arriver un matin pour nous faire la surprise d'un gros paquet de billets de banque. J'en rêvais. Quand vous nous avez fait venir au Plessis, j'ai cru que c'était pour nous associer avec vous. Il me semblait que c'était une compensation que vous vouliez nous donner, car si le père Pigache n'eût pas été privé de ses 10 000 francs, il eût pu remonter ses affaires avant de mourir et nous laisser une succession au lieu de dettes. Pigache se moquait de ce qu'il appelait mes rêves et me faisait comprendre que c'était impossible. Je me souviens qu'il me disait « Si seulement il n'était pas marié, s'il n'avait pas d'enfant, ce serait une réparation digne de sa droiture, mais il ne va pas dépouiller sa femme et son fils pour nous. » Martel avait écouté tout ce bavardage avec une certaine impatience. Cette dette qu'on lui réclamait ne lui paraissait pas prouvée, et il trouvait étrange qu'on fût resté si longtemps sans lui en parler, et il cherchait dans ses souvenirs quelque chose qui la justifia. Ces dernières paroles de Madame Pigache le rendirent singulièrement attentif. Que voulait-elle dire ? Venait-elle par hasard ou avec intention ? Il cessa de feuilleter les lettres de son père et releva les yeux sur elle. Elle soutint son regard et continua sans se troubler. Arrivé ici, quand j'ai vu qu'il n'était point question de l'association, mais seulement de faire de Pigache le surveillant de votre ferme et de moi l'institutrice de Victorine, j'étais bien péniblement désappointé. Je ne sais pas si j'ai pu cacher mon dépit, et si vous ne vous en êtes pas aperçu. Pourtant, je ne vous aurais jamais dit un mot de cette dette si, en ce moment, nous ne nous trouvions dans une situation tout à fait critique. Nous sommes sur le point d'être poursuivis et nous ne pouvons payer. Examinez ces lettres et voyez ce que vous pouvez faire pour nous. Si je dois ces 10 000 francs, je les payerai. Voilà ce que je ferai. Je dis comme Pigache, si vous n'étiez pas marié, si vous n'aviez pas un enfant, ce n'est pas 10 000 francs que je demanderai, car depuis 16 ans ils se sont grossis, et ils se seraient encore bien plus grossis dans les mains du père Pigache et même dans les nôtres. Mais je comprends que vous ne veuillez pas partager avec nous, qu'après tout nous ne sommes que vos cousins, et cela quand vous avez une femme et des enfants. Aussi je ne réclame de vous que ce que vous croirez nous devoir. Ce que mon père devait, je le dois. Rien de plus, rien de moins. Ma femme et mon enfant n'ont rien à voir dans cette affaire. » Cette assurance, si franchement affirmée, n'était pas dans son cœur. De vrai, il était plein d'incertitudes. Que signifiait cette démarche de Madame Pigache ? Sur quoi s'appuyait-elle ? Qui avait pu lui en donner l'idée ? Avait-elle pu, au retour de Charvet, saisir quelques mots de sa conversation ? Elle était derrière la haie, il est vrai. Mais alors, ce qu'il disait était insignifiant. Depuis, avait-elle écouté aux portes ? Cela était matériellement impossible. Cependant, ses démarches et ses demandes avaient une signification. Il aurait dû la retenir, la faire causer, savoir si ses paroles avaient un autre sens que celui que les circonstances leur donnaient, si elles étaient volontaires ou réfléchies. Maintenant, il était trop tard pour la rappeler. Toute interrogation directe serait désormais imprudente. Seules les lettres sur lesquelles elle appuyait sa réclamation pouvait fournir quelque éclaircissement prouvant le prêt. Elle prouvait jusqu'à un certain point la sincérité de Madame Pigache. Ne le prouvant pas, elle prouvait par contre une tentative de chantage, et dans ce cas, elle devait être maîtresse de leurs secrets. Elles étaient classées par date. Au lieu des détails qui n'avaient plus de signification pour lui, il trouva à chaque page des témoignages de la tendresse de son père. C'était pour son fils qu'il s'était risqué dans une association qu'il avait longtemps repoussée. Il n'avait cédé aux instances de son beau-frère qu'en vue de l'avenir de ce fils et pour en faire un homme. Puis se déroulaient jour par jour les difficultés de cette entreprise à laquelle avait manqué tout d'abord le premier capital nécessaire. Les lettres qui précédaient les samedis de paye et les fins de mois étaient navrantes dans leurs explications commerciales. On sentait la conscience d'un honnête homme aux prises avec l'impossible. Quelques-unes montraient que l'associé était moins rigoureux, que pour lui tous les moyens étaient bons. De temps en temps, il y avait des éclairs d'espérance. D'importantes commandes étaient venues, les marchands gros ouvraient des crédits, et par de petites inventions pratiques, on faisait de grandes économies dans la main-d'œuvre. Bientôt, le désespoir reparaissait, et croire que le mot faillite ne fut pas écrit une seule fois, on le sentait partout présent et menaçant. C'était bien là son père, tel qu'il se le rappelait, dur pour lui-même et pour les autres, entreprenant pour ce qui était travail, timide pour ce qui était affaire. Combien de fois, encore tout enfant, était-il parti en course dès le matin pour ramasser l'argent de la paye? Combien de fois était-il rentré sans rien? On examinerait la note. On était donc bien pressé. Quand on ne pouvait pas attendre, on n'entreprenait pas de travaux. Que d'acquis il avait déchiré au bas des factures et rapporté au lieu d'argent à la maison. Ces soirs-là étaient tristes entre son père et lui. Le père écrivait ses lettres précisément qu'il lisait maintenant. Le lendemain matin, avant midi, il fallait aller au Mont-de-Piété, chez les ferrailleurs qui, sur l'outillage, prêtaient à 40% quelques centaines de francs. Et puis, c'était de nouvelles courses, à la banque, chez les huissiers. Dans les plis de ses vieilles lettres jaunies, son enfance s'était enfermée, et à mesure qu'il les ouvrait, elle se dégageait des obscurités de l'oubli. Malgré toute son attention, il ne trouva pas la preuve qu'il cherchait. Plusieurs fois, il était bien question de ses 10 000 francs, mais sans rien de particulier qui leur donnât une cause certaine. Où Madame Pigache était convaincue de la sincérité du prêt, et alors il était peu délicat à lui, qui n'avait de conviction ni pour ni contre, de refuser de payer. Où elle était de mauvaise foi, sa réclamation n'était qu'un chantage, ce prêt qu'une histoire inventait après coup, et alors il était dangereux de la pousser à un éclat. Dans l'un comme dans l'autre cas, il valait donc mieux faire le sacrifice de ses 10 000 francs. Après tout, ce n'était pas pour lui une bien grosse somme, et pour les Pigache, c'était une fortune. Sans parler à Armand des intentions qu'il soupçonnait chez Madame Pigache, il voulut la consulter. Sans hésiter un moment, elle fut d'avis de payer. « Mais la dette n'est pas prouvée, » dit-il, « c'est seulement une présomption. Est-il prouvé qu'elle n'existe pas ? Non. Eh bien, ce n'est pas à nous que le doute doit profiter. » Ce conseil, qui venait confirmer ses désirs secrets, lui fit du bien. Il était dans un de ces moments où la volonté chancelante a besoin d'un appui, la faiblesse d'une excuse. Mais elle lui réservait un plus grand soulagement encore. C'était le soir même de la visite de la Taste que cet entretien avait lieu. Lorsqu'ils eurent cessé de s'occuper de Madame Pigache, ils restèrent un moment silencieux. Ils étaient dans le jardin, seuls, ensemble, sous un vieil acacia où ils venaient souvent, lorsque le soir était serein. Les bruits de la ferme s'étaient éteints, et aussi ceux du village. On entendait seulement sur le pavé de la grande route quelques charrettes qui cahotaient s'en allant vers Paris, où elles arrivaient le lendemain matin pour la balle. Aux fenêtres de la maison, les lumières avaient disparu. Le ciel était criblé d'étoiles, l'air parfumé par les roses et les acacias, la fraîcheur montait des blés verts, et tout se réunissait pour faire une belle soirée. Mais ce n'était point la beauté du soir qui les rendait recueillis, et ils n'étaient guère sensibles aux influences extérieures, ni aux senteurs du printemps, ni au bruit des insectes nocturnes, ni aux grappes de fleurs de l'acacia, qui, se détachant des rameaux, leur tombaient sur la tête et couvraient le sol d'une jonchée blanche. Tout à coup, suivant évidemment sa pensée et sa préoccupation, elle posa doucement sa main sur le bras de Martel et d'une voix un peu tremblante. « Prouve-moi donc encore, dit-elle, que nous devons aller chez les Lataste. » Le lendemain matin, il annonça à Pigache qu'il pouvait compter sur les 10 000 francs et qu'avant 3 mois, il serait complètement payé. « Ce que tu fais là, » s'écria Pigache, qui lui prit les deux mains et les lui serra chaudement, « c'est grand, et je n'en connais pas beaucoup qui, à ta place, agiraient comme toi. » Cet enthousiasme raviva les inquiétudes de Martel, et quoi qu'il lui répugna de soupçonner la complicité de Pigache, qu'il avait toujours trouvé suffisamment loyal, il lui sembla que cette surprise et cette joie étaient bien grandes pour quelqu'un qui serait convaincu de la légitimité de sa réclamation. « Croyais-tu donc que je nierais une dette de mon père ?» ne put-il s'empêcher de dire. « Tu ne pouvais pas la reconnaître, nous n'avons pas de titre. » Madame Pigache, qui survint, accueillit cette nouvelle avec un naturel parfait et comme si elle s'y attendait. « Tu vois, » dit-elle en s'adressant à son mari, « si j'avais raison de ne pas douter de notre cousin. » Ainsi, il était dit que dans toute cette affaire, il n'y aurait qu'incertitude et contradiction. En se décidant à faire droit à la réclamation des Pigaches, il n'avait pas 10 000 francs dans sa poche à leur donner du jour au lendemain. Il avait donc seulement versé un assez fort acompte et pris 3 mois pour s'acquitter du reste. Il y avait une huitaine à peu près que ces 3 mois étaient passés et qu'il avait payé. Lorsqu'un matin, qu'il s'amusait à tailler des rosiers, il vit venir à lui Madame Pigache. « Cherchez-vous les enfants ? » dit-il tout en continuant son travail. « Non, pas les enfants, mais vous. » Tout surpris, il releva la tête. Il lui sembla qu'elle avait pris un air diplomatique qui ne présageait rien de bon. Que voulait-elle ? Il commença à être trop prudent et trop défiant pour l'interroger. Il aima mieux la laisser s'engager. Il n'eut pas longtemps à attendre. « Êtes-vous content de Pigache ? » ?»« Très content. » « Vous trouvez qu'il vous rend des services ?»« Il fait pour mes intérêts plus que je ne ferai moi-même. » »« Rien ne vous blesse dans son caractère ?» C'est le meilleur homme du monde. Vous avez confiance dans sa probité. Il était bien décidé à ne pas faire de questions compromettantes. Cependant, il n'y put pas tenir. Ah ça, mais vous prenez des renseignements sur lui comme si vous vouliez le marier. Ce n'est pas pour moi, je sais ce qu'il vaut. Il y a longtemps que je connais son courage et sa bonté, son habileté dans les choses de la culture et son honnêteté dans les affaires d'argent. D'ordinaire et même en sa présence, elle le traitait assez légèrement. Que voulait dire ce panégyrique ? « J'avais bien dans l'idée, reprit-elle, que telle était votre opinion sur Pigache, mais j'avais besoin de vous l'entendre dire. Vous devez comprendre qu'avec toutes ses qualités, il ne peut pas rester à jamais dans sa position actuelle. Nous devons penser à l'avenir, pour nous et pour Adèle. Ce n'est pas avec ce que nous gagnons que nous pouvons lui amasser une dot. » Pigache gagnait-il plus chez les frères Cartier qu'il ne gagne ici ? Non, et je ne viens pas vous parler d'augmentation, mais de quelque chose qui sera plus digne de vous et de lui. » Elle attendit un moment qu'il l'interrogeât, ou au moins lui fit signe de continuer. Puis, comme il se taisait obstinément, elle poursuivit. « En 2 mots, voici ce que je veux vous demander. Après avoir reconnu que Pigache vous rendait les plus grands services, vous reconnaissez aussi sans doute qu'il est juste et qu'il en soit récompensé. Puisqu'il partage tous vos travaux, il n'est pas déraisonnable de demander qu'il partage aussi les profits. » Il resta imperturbable et ne laissa pas voir la plus petite marque d'étonnement. Alors elle entra dans le développement des raisons qui, selon elle, légitimaient cette demande. Ce n'était pas une association proprement dite, mais seulement une participation dans les bénéfices. Pigache, intéressé à l'exploitation de la ferme, donnait toute liberté à Martel de se consacrer entièrement à la peinture, ce qui serait autrement utile à sa fortune et à sa gloire que courir les terres labourées. Elle toucha toutes les cordes, mit les avantages pécuniaires en avant, n'oublia pas le cœur, invoqua la parenté et termina en insinuant avec force ménagement et réticence que l'intérêt, bien entendu, de tout le monde, de lui Martel, aussi bien que d'Armande et de Julien, était que cette proposition fût acceptée. Puis, cela dit, elle attendit une réponse. Pendant quelques minutes, ils marchèrent l'un à côté de l'autre sans qu'un seul mot fût échangé. En avançant enfin, ils étaient arrivés à l'extrémité du jardin, dans la partie réservée au potager. Ils se trouvaient devant un grand carré de choux. « Voilà des choux dévorés par les chenilles, » dit Martel, comme s'il faisait une promenade inoffensive, n'ayant d'autre préoccupation que de visiter le jardin. En effet, les gros choux ventrus étaient couverts de chenilles verdâtres entachées de noir, qui avaient rongé les feuilles si complètement qu'elles ressemblaient à une grossière dentelle verte. Il ne restait plus que les nervures. Cette observation, arrivant ainsi, était si étrange que Madame Pigache s'arrêta et le regarda pour voir s'il ne se moquait pas d'elle. Ou s'il ne perdait pas la raison. Il paraissait parfaitement calme. Avez-vous quelquefois laissé tomber vos yeux sur les insectes ? Reprit-il. C'est une étude très intéressante, non seulement par l'effet qu'elle présente, mais encore par les leçons qu'elle donne. Ainsi, cette chenille qui dévaste mes choux vous paraît sans doute bien maîtresse de la feuille qu'elle dévore. Eh bien, il n'en est rien. Elle-même est à la discrétion d'un autre petit insecte, une mouche, qui s'est établie sur elle, ou plutôt dans elle, comme la chenille s'est établie sur la feuille. « Vraiment ? » fit Madame Pigache, stupéfaite de ce discours insensé. « Si j'avais une loupe, Je vous montrerai comment la mouche introduit ses œufs dans la chenille. Les œufs introduits deviennent bientôt des vers, et ces vers se nourrissent de la chenille elle-même, comme celle-ci se nourrit de la feuille. Seulement ces vers, au lieu de tuer la chenille tout d'un coup, ce qui est le cas ordinaire des bêtes, la laissent vivre et même s'engraisser, et ils ont l'intelligence de ne lui manger dans le corps que les parties qui ne sont pas essentielles à la vie, de manière à ce que ça dure plus longtemps et que la chenille travaille pour eux aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Quand ils n'en ont plus besoin, et lui ont mangé tout ce qu'ils en pouvaient tirer, ils la tuent. Et au lieu que la pauvre bête se change en papillon, vous savez ces grands papillons de jardin qu'on voit partout, ce sont ces vers qui se métamorphosent en mouches. Ne trouvez-vous pas curieux qu'il y ait des insectes qui sachent ainsi vivre aux dépens des autres ? C'est presque aussi fort que chez les hommes, dit Madame Pigache, qui commence à comprendre le but de cette leçon d'entomologie et ne voulait pas paraître embarrassée. Presque. Seulement je ne crois pas que les hommes seraient aussi patients à se laisser dévorer. Ils n'auraient pas l'inertie de la chenille, et ils sauraient se défendre de la mouche. Comment cela ? Ils trouveraient bien un moyen de la mettre dehors. Ma mouche en trouverait peut-être un pour rester. Quand on habitait l'intérieur d'une chenille, on connaît sa partie faible. Enfin, ce serait la guerre. Sans aucun doute. Mais ces chenilles et ces mouches nous emportent bien loin. Vous réfléchirez à ma demande, n'est-ce pas ? Quand vous voudrez, nous en reparlerons.